Sainte Bible selon saint Jérôme, second livre des rois, chapitre 5. Naaman, prince de la milice du roi de Syrie, était un homme puissant auprès de son maître et honoré, car c'est par lui que le Seigneur avait sauvé la Syrie. Or il était vaillant et riche, mais lépreux. Cependant, des voleurs étaient sortis de Syrie et avaient amené captive de la terre d'Israël une petite fille qui était au service de la femme de Naaman. Celle-ci dit à sa maîtresse: « Plût à Dieu que mon Seigneur fût allé vers le prophète qui est à Samarie. Assurément, il l'aurait guéri de la lèpre qu'il a. » C'est pourquoi Naaman entra auprès de son maître et lui dit: « Ainsi et ainsi a parlé une fille de la terre d'Israël. » Et le roi de Syrie lui dit: « Va, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Lorsque Naaman fut parti et qu'il eut pris avec lui 10 talents d'argent, 6 000 sicles d'or et 10 rechanges de vêtements, il porta au roi d'Israël la lettre du roi de Syrie en ces termes: « Lorsque vous recevrez cette lettre, sachez que je vous envoie Naaman, mon serviteur, afin que vous le guérissiez de sa lèpre. » Lorsque le roi d'Israël eut lu la lettre, il déchira ses vêtements et dit: « Suis-je Dieu, moi, pour que je puisse tuer et faire vivre ? Puisque ce roi envoie vers moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Remarquez et voyez qu'il cherche des occasions contre moi. » Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, eut appris cela, c'est-à-dire que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya vers lui, disant: « Pourquoi avez-vous déchiré vos vêtements ? Qu'il vienne à moi et qu'il sache qu'il y a un prophète dans Israël. » Naaman vint donc avec ses chevaux et ses chars et se tint à la porte de la maison d'Élisée. Et Élisée lui envoya un messager, disant: « Va, et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair sera guérie, et tu deviendras net. » Naaman, irrité, se retirait, disant: « Je croyais qu'il sortirait vers moi, et que, se tenant debout, il invoquerait le nom du Seigneur, son Dieu, qu'il toucherait de sa main l'endroit de la lèpre et me guérirait. Escabana et Parphar, fleuve de Damas, ne sont pas meilleurs que toutes les eaux d'Israël, pour que je m'y lave et que je devienne net. » Comme donc il s'était tourné et qu'il s'en allait indigné, ses serviteurs s'approchèrent de lui et lui dirent: « Père, quand même le prophète vous aurait dit une chose importante, vous auriez dû certainement la faire. Combien plus maintenant lorsqu'il vous a dit: lave-toi et tu deviendras net. » Il descendit et se lava dans le Jourdain 7 fois selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair fut rendue comme la chair d'un petit enfant, et il devint net. Et étant retourné vers l'homme de Dieu avec toute sa suite, il vint et s'arrêta devant lui, et dit: « Je sais certainement qu'il n'y a point d'autre Dieu dans toute la terre si ce n'est dans Israël. C'est pourquoi je te conjure de recevoir une bénédiction de ton serviteur. » Mais Élisée lui répondit: « Il vit le Seigneur devant lequel je suis. Je ne la recevrai pas. » Et quoique Naaman fît instance, il n'y consentit nullement. Et Naaman dit: « Comme tu veux, mais je te conjure, accorde à moi, ton serviteur, d'emporter la charge de 2 mulets de terre, car à l'avenir, ton serviteur n'offrira plus d'holocauste ou de victime à des dieux étrangers, mais seulement au Seigneur. La seule chose pour laquelle je désire que tu pries le Seigneur pour ton serviteur, c'est que quand mon Seigneur entrera dans le temple de Rémon pour adorer, en s'appuyant sur ma main, si j'adore dans le temple de Rémon, lui adorant dans le même lieu, le Seigneur me pardonne cette action, à moi ton serviteur. » Élisée lui répondit: « Va en paix. » Il s'en alla donc d'auprès de lui dans le plus beau temps de la terre. Alors Kiési, serviteur de l'homme de Dieu, dit: « Mon maître a épargné ce Naaman de Syrie, au point de ne pas accepter ce qu'il a apporté. Le Seigneur vit, je courrai après lui et je recevrai de lui quelque chose. » Ainsi Guézi suivit à la trace Naaman. Et lorsque Naaman le vit courant vers lui, il sauta de son char à sa rencontre et demanda: « Tout va-t-il bien ? » Et celui-ci répondit: « Bien. Mon maître m'a envoyé vers vous, disant: tout à l'heure sont venus vers moi de la montagne d'Éphraïm 2 jeunes hommes d'entre les fils des prophètes. Donne-leur 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. » Et Naaman répondit: « Il vaut mieux que tu prennes 2 talents. » Et il le força. Il lia donc 2 talents d'argent dans 2 sacs et 2 vêtements. Il en chargea ses deux serviteurs, qui les portèrent même devant Giési. Et comme le soir était déjà venu, il les prit de leurs mains et les serra dans sa maison. Puis il renvoya ses hommes et s'en allèrent. Mais lui-même étant entré, se tint devant son maître. Et Élisée demanda: « D'où viens-tu, Giési? » Giési répondit: « Votre serviteur n'a été nulle part. » Mais Élisée répliqua: « Mon esprit n'était-il pas avec toi lorsque l'homme est revenu de son char à ta rencontre? Maintenant donc, tu as reçu l'argent. Tu as reçu aussi des vêtements pour acheter des plants d'olivier, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. Mais la lèpre même de Naaman s'attachera à toi et à toute ta race pour toujours. » Et il sortit d'auprès de son maître, lépreux et blanc comme neige. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, traduite en français avec des notes par l'abbé Glaire. Pour le site jésusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.